aucune discipline. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Radio Cayenne. La radio. Qui préfère foutre le bordel plutôt que de se trouver une place. Eh oui, on est toujours sur Radio Cayenne. On est lundi 11 mars, il est 20h42 et vous nous écoutez sur radio.antirep.net. Et on va parler loi répressive. Avec donc le projet de loi désormais appelé anti-casseurs. Le 14 juin 2018, donc on est en juin 2018, il y a 9 mois, pour celles qui savent, ouais, 9 mois, Bruno Retailleau et sa bande de potes des Républicains déposaient donc ce 14 juin 2018 un projet de loi désormais appelé loi anti-casseurs, mais qu'on pourrait appeler loi anti-mouvements sociaux. Il en rêvait depuis longtemps, Retailleau, puisqu'il avait déjà déposé une proposition de loi visant à réprimer les manifestants et manifestantes en mai 2016, en plein pendant le mouvement contre la loi travail. Et on va écouter tout de suite ce qu'il en disait à l'époque. C'est devenu insupportable et cette haine anti-flic, c'est inadmissible tout simplement parce que c'est aussi une haine tournée contre la République. La proposition de loi que j'ai déposée, c'est une proposition qui va élargir aux casseurs le dispositif anti-hooligan. C'est à la fois des moyens de prévention, donner les possibilités aux préfets d'interdire de manifester des gens qui sont dangereux, des gens qui sont les ultra-violents. C'est faire en même temps aussi donner la possibilité d'une surveillance vidéoprotection tout au long du parcours de la manifestation. Et c'est des moyens de répression. Voilà. Les peines de sûreté renforcées, c'est quand même aller assez loin quand même pour les casseurs. Exactement. C'est aller le plus loin possible. Parce que ceux qui veulent rôtir du poulet, comme ils disent, ceux qui propagent la haine de nos policiers qui ont pour vocation de protéger les Français contre les attentats et contre les troubles à l'ordre public, doivent payer le prix, bien entendu, de leurs exactions. Il faut être implacable et la République doit être ferme. Ce que je souhaite, c'est donner des moyens, notamment aux préfets, de réprimer à leur juste niveau cette haine anti-flic. Bon, c'était pas tout à fait la même proposition de loi que celle qui est en train d'étudier le Parlement. Je vais pas détailler ici, mais je vous invite quand même à aller regarder ce que contenait cette proposition, parce qu'il n'est pas exclu que les dispositions qui n'ont pas été transposées dans la loi dite anti-casseurs ne surgissent pas au détour d'un prochain projet de loi. Puisque celui de 2017 n'a pas été adopté, non pas qu'il soit passé par l'une des deux chambres et qu'il ait été retoqué, mais parce qu'il était caduc. Donc voilà, là on était en 2016 et on va revenir en 2018. En 2018, donc, ce Bruno Retailleau, comme on le disait tout à l'heure, en juin, il dépose sa proposition de loi. Et fin octobre, une version modifiée de ce texte est adoptée au Sénat. En novembre de cette même année, le mouvement des Gilets jaunes commence. En novembre-décembre, les annonces du gouvernement, comme la pause de 6 mois sur les mesures de hausse des prix de l'électricité et du diesel, la hausse du SMIC, vite remplacée par une hausse sous condition de la prime d'activité, ou encore le grand débat, ne suffisent pas à faire cesser le mouvement. Les blocages et les manifs continuent malgré une répression policière et judiciaire très importante. Le mouvement des Gilets jaunes continue. Donc, et le gouvernement s'enfonce, annonce après annonce. Il a bien tenté, comme ses prédécesseurs le font à chaque fois, de jeter le discrédit sur le mouvement. Ça n'a pas marché. Il tente aussi la dissociation entre les bons, les bonnes, manifestants, manifestantes, et les mauvais, mauvaises. Mais ça prend pas si bien que ça. Alors, nous voilà rendus en janvier 2019. Le mouvement est toujours là. Et plutôt que de répondre à ces revendications, notamment en ce qui concerne la hausse des salaires et le retour de l'impôt sur la fortune, le gouvernement annonce une loi anti-casseurs. Objectif, renforcer l'arsenal répressif avant, pendant et après les manifs, alors même que la répression du mouvement bat déjà son plein. Mi-décembre, le ministère de la Justice annonçait déjà 219 personnes ayant été incarcérées, en 2 mois donc. Détention préventive comprise. des centaines de condamnations ainsi que des centaines de procès à venir, sans oublier les centaines de blessés par la police, que ça, le ministère de la Justice ou le gouvernement n'annoncent pas du tout, hein. En tout cas, tout ça, ça n'empêche pas le gouvernement de trouver des réponses répressives insuffisantes. Et le 8 janvier, Édouard Philippe fait l'annonce, donc, de ce projet de loi dit anti-casseur. Et on va écouter tout de suite ce qu'Édouard Philippe en dit. Face au regain de violence lors de la dernière mobilisation des Gilets jaunes, le chef du gouvernement hausse le ton. Le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées, ceux qui arrivent aux manifestations cagoulées. Aujourd'hui, c'est une contravention. Demain, ce doit être un délit. Mesure phare de cette nouvelle loi anti-casseurs, réclamée par certains policiers, un fichier répertoriant les personnes interdites de manifestation. Qui seraient inscrits dans ce fichier les manifestants considérés comme dangereux par les services de renseignement ou bien déjà placés en garde à vue ou condamnés. Un arrêté d'interdiction de manifester serait décidé par le préfet. Les suspects seraient alors obligés de pointer au commissariat pendant la mobilisation ou assignés à résidence. Les forces de l'ordre pourraient aussi les interpeller en amont du cortège. Et Nicole Belloubet, ministre de la Justice, de lui emboîter le pas dès le lendemain, assumant que la répression atteint déjà des sommets, mais que tout ça, c'est pas suffisant. Bientôt, les policiers pourront interpeller tous les manifestants masqués qui seront alors déférés devant un tribunal. Est-ce que vous allez demander aux procureurs qui sont sous votre autorité d'être particulièrement sévères dans leurs réquisitions ? Je ne présenterai pas les choses comme cela. Il faut d'abord dire qu'en France, il y a un droit qui est le droit de manifester. Et ce droit-là, il faut le protéger. Or, ce que nous avons vu les week-ends derniers, qui est inacceptable par les casseurs, par les violences, par la dégradation même de l'image de notre pays, cela, c'est inacceptable. Et pour protéger la liberté de manifester, il faut bien sûr que nous en encadrions les conditions du déroulement. Pour cela, il y a déjà des mesures qui ont été prises. Vous le savez sans doute, des interpellations ont déjà eu lieu, ont donné lieu à des gardes à vue. Ce qu'a proposé le Premier ministre, c'est de renforcer les conditions de l'encadrement de ces manifestations pour éviter les débordements. Alors sur les 5600 personnes interpellées pour avoir commis des violences pendant les manifestations des Gilets jaunes, 1 000 000 ont été condamnées. Absolument. Mais seulement 153 sont aujourd'hui en prison. Faut-il y voir une forme de laxisme de la justice ? Mais non, c'est pas une forme de laxisme. C'est ce que dénoncent certains syndicats de police. Hein. Bon, quand on regarde les choses et qu'on énonce les chiffres de cette manière-là, il peut y avoir l'interprétation que vous soulignez, mais ce n'est pas cela. D'abord, il faut savoir que toutes les personnes qui ont été interpellées ne sont pas encore passées en jugement. Il y a déjà eu des comparutions immédiates qui ont donné lieu au mandat de dépôt que vous relevez, mais il va y avoir à la fin du mois de janvier des personnes qui ont été renvoyées un peu plus tard et donc des nouvelles sanctions vont être prises. Par ailleurs, ce n'est pas la peine de prison qui est la seule réponse à ce qui a été fait. Mmh. Il y a eu des amendes, il y a eu des travaux d'intérêt général, il y a bien d'autres choses. À la question sur les 5600 interpellés, seulement 153 en prison, Édouard Philippe a répondu dimanche soir sur TF1 « Je préférerais que les condamnations soient encore plus larges ». Vous êtes d'accord avec lui ? Je crois que la réponse que je viens de vous faire vient compléter ce qu'a dit le Premier ministre, c'est-à-dire que tous les jugements n'ont pas encore été rendus. Attendons à la fin du mois de janvier et de février pour avoir un panel global. Par ailleurs, je fais toute confiance, vraiment, aux juges pour prendre en compte la diversité de la situation des gens qui sont interpellés. Et la suite de ces annonces, c'est donc le passage à l'Assemblée d'une proposition de loi baptisée « Proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations », qui n'est autre en fait que le projet de loi déposé 6 mois plus tôt par Bruno Retailleau et adopté par le Sénat en octobre. Une version amendée de ce projet de loi est donc votée par l'Assemblée nationale le 5 février et validée sans modification par la commission des lois du Sénat la semaine dernière. Elle sera examinée demain en deuxième lecture par le Sénat, qui, sauf surprise, devrait l'adopter dans la même version que l'Assemblée pour qu'elle puisse être promulguée au plus vite. Et si le Sénat modifie à nouveau le texte contre l'avis de la commission, celui-ci retournera à l'Assemblée en deuxième lecture. Si le Sénat vote le texte tel quel, le texte sera donc adopté dès demain.

Donc, la première mesure de cette partie, c'est la facilitation des déclarations de manif en préfecture. Je vais pas commenter, je vous laisse imaginer pourquoi le gouvernement et le Parlement voudraient faciliter les déclarations de manif en préfecture. La deuxième mesure, c'est les fouilles des personnes, des bagages et des véhicules, les contrôles d'identité avant les manifs, avant, pendant et après les manifs, hein, sur réquisition du procureur. En fait, au départ, cet article, il se voulait une sorte d'adaptation, enfin une adaptation même directement, aux manifs, des périmètres de protection qui ont été mis en place par la loi antiterroriste d'octobre 2017. Finalement, elle a été changée par l'Assemblée, cette mesure, et du coup, on va plutôt avoir le droit à l'adaptation des mesures de fouille et de contrôle qui sont issues en fait, qui ressemblent à la loi aux fouilles et contrôles qui sont permis désormais par la loi sur la sécurité intérieure de 2016 et qui permet notamment aux flics d'appliquer un article qui s'appelle l'article 78-2-2 du code de procédure pénale qui donne aux keufs la possibilité de fouiller les bagnoles. Par exemple, même en l'absence du ou de la conductrice ou du ou de la propriétaire. Et c'est qu'un exemple qui donne la possibilité assez simple, qui facilite en fait aussi la fouille des personnes et l'inspection de leurs bagages. Quant au périmètre de protection du coup qui était initialement prévu en fait, si certains et certaines députés ont beau jeu de se vanter de l'avoir fait abandonner par l'Assemblée, ben en fait cette disposition de la loi antiterroriste de 2017, elle a une application tellement large qu'en fait ben il y a rien qui empêche que ce soit utilisé en manif, ce qui a d'ailleurs déjà été le cas. Donc ça change absolument rien et les députés, ils se vantent un peu dans le vent. Une autre des mesures qui a été adoptée par l'Assemblée et qui sera visiblement adoptée demain, c'est la possibilité pour les préfets et les préfètes d'interdire de manif des personnes dont les agissements lors des manifs précédentes laissent penser qu'elles représentent une menace pour l'ordre public. Ces interdictions, elles peuvent être prises pour l'ensemble ce qu'elles appellent le territoire national. Dans ce cas, la durée d'interdiction ne pourra pas excéder un mois. Et pour le reste, du coup, pour ce qui serait pas de l'ensemble de ce qu'ils appellent le territoire national, il n'y a pas de délai en fait qui limite l'interdiction de manif. Cette interdiction de manif, elle peut aussi être assortie d'une obligation d'aller pointer dans un commissariat ou une gendarmerie les jours de manif, hein, pour être vraiment, vraiment sûr que les gens n'y vont pas. Et puis, comme si c'était pas suffisant, bah, si les keufs, ils ont pas pu te notifier ton interdiction 48 heures avant la manif, comme la loi le prévoit, bah, c'est pas très grave parce qu'ils pourront le faire pendant la manif si celle-ci n'a pas été déclarée ou si elle n'a été déclarée que tardivement, sans que le terme tardivement ne soit défini dans le temps. Ce qui laisse pour l'instant, si c'est pas défini par décret et si ça reste tel, si l'article reste tel quel, ça laisse une très large interprétation pour les keufs de pouvoir choper des gens en manif qui n'auraient pas été prévenus de leur interdiction de manif. Cet article, il détaille aussi l'article qui détaille cette mesure, il prévoit aussi une peine de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende pour les personnes qui se feraient choper à ne pas respecter l'interdiction de manif, et de 3 mois de prison et 3 750 € d'amende pour celles et ceux qui n'iraient pas pointer au comico les jours de manif. Allez, on continue, même si ça casse la tête, on en est au troisième article. Et ce troisième article, il prévoit que les personnes interdites de manif dans le cadre judiciaire, donc dans le cadre d'une décision de justice, ou dans le cadre administratif, dans le cadre d'une décision de la préfecture, donc ces personnes, elles figureront au FPR, le fichier des personnes recherchées. Et le Sénat voulait faire un fichier à part, et l'Assemblée a préféré le FPR. L'Assemblée, une fois de plus, elle se vante d'avoir empêché qu'un article liberticide soit adopté. Bon, en fait, que finalement on soit fiché au FPR ou dans un fichier à part, bon, finalement, on s'en fout un peu, ça change pas grand-chose, ça reste un fichage supplémentaire et ça reste un fichage politique, en fait, supplémentaire. Et en plus, on n'a pas beaucoup de doutes que, en fait, c'est quand même vachement plus pratique pour les keufs que les personnes interdites de manif soient fichées au FPR, donc au fichier des personnes recherchées, parce que c'est le fichier qui est consulté systématiquement lors d'un contrôle d'identité. Du coup, bah, pour les flics, ça multiplie pas le nombre de fichiers à consulter. Et ouais, je pense que les keufs trouvent ça quand même plus pratique que ce soit là-dedans. On rappelle que, par exemple, les fiches S, elles apparaissent aussi au fichier des personnes recherchées. L'article suivant, on va le passer vite fait, en fait, parce que c'est le contrôle renforcé par le Parlement de ces mesures dites préventives. Et en fait, bon, bah, ce contrôle, il va consister, comme pour l'état d'urgence, par exemple, ou comme pour la loi renseignement, en fait, à faire des statistiques pour le ministère de l'Intérieur et pour le ministère de la Justice. Autant dire que il s'agit pas de contrôle, en fait, mais de compter, et que ça va servir strictement à rien, comme n'ont servi à pas grand chose les statistiques de l'état d'urgence, à part à ce qu'on puisse être informé et à part à ce que, que des gens puissent aller regarder ces statistiques et diffuser le nombre de mesures répressives qu'allaient être prises. Donc peut-être on peut trouver ça cool qu'il y ait des stats, on pourra diffuser les stats, mais ça s'appelle pas un contrôle renforcé de ces mesures. La deuxième partie de ce texte, en fait, ça va se passer... la deuxième et troisième partie, c'est plutôt ce qui va se passer du côté des tribunaux. L'article 4, il consacre le passage de contravention à délit du fait de se dissimuler le visage dans une manif au cours de laquelle il y aurait eu des troubles à l'ordre public. Donc ça, voilà, ça sera plus une simple contravention, mais ce sera un délit. On pourra aller en garde à vue pour s'être dissimulé le visage. Et on pourra être poursuivi devant un tribunal pour ça. C'est super. Les articles suivants, ils élargissent et renforcent les interdictions de manif dans le cadre d'une peine complémentaire ainsi que dans le cadre du contrôle judiciaire, avec notamment la possibilité de faire pointer au commissariat des personnes interdites de manif le jour de manif pour les personnes qui sont interdites de manif dans le cadre d'une peine complémentaire, donc qui sont passées au tribunal, qui ont été condamnées pour des faits ayant eu lieu en manif et qui se voient avec cette peine complémentaire d'interdiction de manif, on peut les envoyer donc pointer au comico les jours de manif. Il y a plein d'autres trucs dans cet article, du coup dans ces deux articles, je vous incite à aller les lire. Et enfin, l'article 7, il prévoit la possibilité pour l'État d'engager des poursuites au civil pour obtenir des dédommagements concernant les infractions commises en manif. Il y a un huitième article aussi, qui prévoit l'application de ces textes dans les territoires d'outre-mer, comme ils disent. Des fois qu'on aurait des doutes que ces textes soient appliqués en territoire d'outre-mer. Alors, il n'est pas si anodin que ça, cet article. Il est prononcé dans quasiment toutes les lois. Mais par exemple, quand un décret prévoit l'augmentation du RSA, c'est possible que ce soit pas prévu pour les territoires d'outre-mer, l'augmentation du RSA. Et donc, c'est pour ça que pour les autres lois, il le précise l'application, puisque pour d'autres qui seraient un peu avantageuses pour les gens, ben en fait c'est pas prévu l'application. C'est peut-être pas super clair, mais en tout cas ça montre le racisme et le caractère profondément colonialiste de notre État. Voilà, on va s'arrêter là pour ce projet de loi. On espère que c'est pas trop démoralisant pour vous. L'idée c'est pas de se démoraliser et de se dire que on peut plus rien faire, tout ça, qu'on va tous finir en taule. Pas du tout, pas du tout. L'idée, c'est quand même de qu'on puisse réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on fait pour contourner ça, pour se battre contre toute cette merde. Et encore une fois, pour finir, pour celles et ceux qui le peuvent, moi, je vous invite à regarder demain sur Direct Sénat. La séance qui va très certainement adopter ce projet de loi de merde. Je vous laisse avec un petit peu de musique et on revient après avec encore des super joyeusetés acabesques. Thank you.